Vive la liberté! Les mouchoirs blancs frétillent dans la chaleur du sirocco. Le train s'éloigne de Cannes, terminus, Bâle. Ouf! Pourquoi faut-il toujours feindre la tristesse de partir, de quitter sa famille, pense Faustine, qui jusqu'ici a caché sa joie du mieux qu'elle l'a pu. Cette fois, elle est seule et libre, sans intention de retour. Pour la remplacer, elle passe le relais à Stéphane. Le fils préféré, il sera le garant de sa liberté. Il n'a que 12 ans, et alors? Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, dixit ce cher Corneille. Elle sait bien qu'elle ne manquera à personne. Cette liberté toute neuve, elle en célèbre la naissance aussitôt, avec un paquet de clopes et une bière, dès que passe le préposé. Quoi de plus impertinent, volatile, chaleureux, que la fumée d'une cigarette. À Toulon monte un jeune marin qui vient de terminer son service. Il jette son barnat sur la dernière couchette libre en face de Faustine. Les deux jeunes gens font plus ample connaissance dans le couloir, partagent une cigarette, un sandwich, avant d'aller refaire le monde chacun sur sa banquette, les pieds dans le vide. Manifestement, les 4 autres passagers sont sourds, muet ou profondément assoupi. Faustine fabrique un cendrier avec la feuille d'aluminium qui enveloppait son repas. Et voilà nos deux comparses fin prêts pour papoter tranquille en soufflant la fumée dans le conduit d'aération. Un demi-paquet y passe pendant qu'ils évoquent la possible démission de Richard Nixon suite au scandale du Watergate. Quelle incidence sur la marine française? Aucune, pense le jeune homme. C'est plutôt du côté de la Grèce que se tournent les regards en ce moment. La chute des colonels va changer la donne, et la responsabilité des États-Unis est fortement engagée. Leur présence, pour ne pas dire leur invasion, reste assurée. Comment va réagir la toute nouvelle République? Mystère, en tout cas pour le commun des mortels. Faustine n'a pas tout à fait 18 ans, mais son vis-à-vis d'un soir les a dépassés, lui. Il est donc majeur depuis le début du mois de juillet. Faustine, contente pour sa part que la Suisse soit toujours à la traîne, plaint ses amis français et s'insurge. À 18 ans, on sort à peine de l'enfance. Accorder la majorité si jeune, n'est-ce pas encourager les parents des missionnaires à virer leur progéniture, ne plus l'entretenir ni lui payer ses études? Son voisin ne le pense pas. Toutes les précautions ont été prises pour la sécurité des jeunes. Par contre, les politiques se frottent les mains. En soignant bien la partie démagogique de leur discours, ils auront un paquet d'électeurs supplémentaires. Qu'elle soit intérieure ou extérieure, le jeune homme n'est pas vraiment passionné de politique. Sa spécialité, c'est l'astronomie, l'astrophysique. Il poursuit des études scientifiques. Faustine n'a pas compris dans quoi exactement. Et espère un jour travailler dans le nouveau centre spatial européen dont l'ouverture est prévue en mai prochain. Son plus grand désir, suivre l'évolution de Pioneer 11. Tu te rends compte, raconte-t-il à Faustine, en décembre, cette petite sonde va passer à 40 000 km de Jupiter, en route vers Saturne qu'elle rejoindra, si tout va bien, en 1979. Tu imagines une sonde dans laquelle il y a un message dans des langues différentes et aussi les silhouettes d'un homme et d'une femme gravées sur une plaque d'or, à l'attention d'extraterrestres éventuels. Faustine est impressionnée par la culture de son compagnon. Elle en a du retard à rattraper. Elle aura plus appris en une seule nuit qu'en 6 mois chez elle. Et toi, lui demande le jeune homme, qu'attends-tu de ta vie? « Je ne sais pas encore, rétorque la jeune fille. »« Vivre ? » ajoute-t-elle en riant. « Ma mère prétend qu'il ne sert à rien de se bercer d'illusions, qu'on peut bien caresser tous les projets qu'on veut, la vie se charge de vous en détourner. Le plus important, l'essentiel, c'est de savoir s'adapter et d'avoir plusieurs cordes à son arc. Aussi, c'est pour les acquérir que la jeune fille part une année au père. » Faustine a récité bravement le discours de maman. Elle y croit encore un peu, en tout cas en ce qui concerne les facultés d'adaptation, mais elle est sûre que sa vie à elle tiendra ses promesses. Que de surprises en perspective! En attendant, il est tard. Assez parlé, il faut dormir. Les jeunes gens s'allongent sur leurs couchettes respectives. Après avoir repoussé, non merci, pas ce soir, la main baladeuse de son voisin, qui ne tente rien à rien, Faustine s'endort, saturée. Arrivée à Bâle, elle retrouve oncle et tante sur le quai, fidèles à eux-mêmes. Tata Maria, perchée sur ses pattes de cigogne, son buste lourd l'entraînant vers l'avant, semble toujours prête à vous embrasser. Tonton Malti, lui, est plus retenu, mais sa crinière blanchie, sa cigarette au coin des lèvres et son regard bleu rieur qui n'en pense pas moins, ont le don de sécuriser Faustine instantanément. Peut-être que le fait que son oncle ressemble énormément à sa mère n'y est pas étranger. Faustine les adore, ces deux-là. Elle se dit que son séjour commence bien. Le trio se dirige vers la sortie. Demain, ils partiront pour l'Allemagne, dans le camp de naturistes que Faustine connaît bien, où la caravane les attend. On prendra quelques jours de vacances avant de présenter la jeune fille à ses futurs employeurs. Au camping, les choses ont bien changé depuis son dernier passage. Les pré-ados sont devenus les pré-adultes. On est passé des joutes sportives au concours de séduction. Les jeunes, qui refusent désormais de se dévêtir, sont priés d'aller se promener à l'extérieur du camp, ce qu'ils ne se font pas dire deux fois. Ils passent leur temps au bistrot du village à fumer, boire des sodas et flirter à outrance en écoutant les chansons à la mode. Sur le jukebox, le groupe ABBA scande Waterloo, puis Barbara Streisand joue la nostalgie sur The Way We Were. Faustine n'est pas autrement friande des boum boum tagalades soin de soin accordéonistes des orchestres populaires si prisés en Allemagne dans l'été dansant. Elle préfère le rock'n'roll. Elvis Presley, Frank Sinatra et Louis Armstrong. Impossible de partager le nouveau Michel Sardou, une fille aux yeux clairs, avec son équipe de copains. Aucun ne connaît suffisamment le français pour savourer la poésie du texte. Dommage. Faustine offre une tournée. Elle est riche et la seule du groupe à gagner sa vie. Tous les autres sont aux études. Faustine réalise que, contrairement à ce que ses parents lui ont dit, l'apprentissage n'est pas mieux considéré ici qu'en France. Le 1er août, jour de célébration de leur fête nationale, les Suisses du camping se réunissent pour allumer un grand feu de joie sur la place principale. Complétant l'ambiance festive, les plus petits font fièrement partir quelques feux d'artifice sous haute surveillance. L'hymne national est entonné par ceux qui savent encore le chanter, les vieux. Le mousseux coule à flot, la bière aussi, même les cervelas figurent au programme. Faustine savoure chaque instant, déjà tournée vers l'avenir. Dans 4 jours, elle commencera officiellement sa vie d'adulte autonome.